Book 2 84 84 الماضي 4 Passé 4 Passé 4 يقرأ Lire Lire لقد قرأت للتو. J'ai lu. J'ai lu. لقد قرأت كل الرواية. J'ai lu tout le roman. J'ai lu tout le roman. يفهم. Comprendre. Comprendre. لقد فهمت للتو. J'ai compris. J'ai compris. لقد فهمت كل النص. J'ai compris tout le texte. J'ai compris tout le texte. يجيب. Répondre. Répondre. لقد أجبت للتو. J'ai répondu. J'ai répondu. لقد أجبت على كل الأسئلة. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Je le sais, je l'ai su. Je le sais, je l'ai su. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Je l'écris, je l'ai écrit. Je l'écris, je l'ai écrit. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Je l'entends. Je l'ai entendu. Je l'entends, je l'ai entendu. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Je l'apporte. Je l'ai apporté. Je l'apporte. Je l'ai apporté. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Je l'achète. Je l'ai acheté. Je l'achète. Je l'ai acheté. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Je l'attends. Je l'ai attendu. Je l'attends. Je l'ai attendu. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Je l'explique. Je l'ai expliqué. Je l'explique. Je l'ai expliqué. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Je le connais. Je l'ai connu. Je le connais. Je l'ai connu.